L'automobiliste peut dépasser le cycliste dans la situation 1 ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2 ? Oui, réponse C. Non, réponse D.